She just had an apple. love with a rock and roll wall. He's in love with getting stonewalled. He's in love with Jenny Jones wall. He don't like it, but you no! Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Mmh. It is done in entertainment. Take it as entertainment. So please don't take it any other way. They don't want me anymore. Quit on the floor. You can call me sweetie. I know what is blighting. And I am different. Left the past behind. You love to see me come out. Love to see me think. Do I own a salary? Cause I do, of course I do. Oh, a salary. Cause I do, of course I do. Oh, a salary. Of course I fucking do. Maybe days on to me, I'm never gonna get. Back at this old world, I'm feeling same day. Give you an apartment for some of you I've done. Make sure I'm better, I'm ready for this run. Do I own a salary? Cause I do, of course I do. Oh, a salary. Cause I do, of course I do. Oh, a salary. Cause I fucking do. Don't take any notice what the public think. So much I'm in TV, just don't wanna speak. You two are the target. Leave out that advice, and you don't wanna hear it. Say I'm full of fuss. Do I own a salary? Cause I do, of course I do. Oh, a salary. Cause I do, of course I do. Oh, a salary. Cause I fucking do. À l'âge de 12 ans, ils sont qualifiés d'enfants délinquants, petits meurtriers. Et à 14 ans, de psychopathes rap et d'adolescents irrécupérables. Et à 17 ans, t'étais alcoolique, encore en redressement et les coups de flic. Et à 18 ans, tu as fait l'armée chez les délinquants. Tu as déserté. Oh, Bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce mercredi 10 mars 2021 qui a le plaisir de vous convier ce soir à la 12e édition du fameux Radio Pirate Méloman où, vous l'aurez deviné, on va traiter de punk cette fois-ci. Comme vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux cette semaine, groupe Facebook Méloman auquel je vous enjoins d'adhérer, comme à chaque fois bien sûr. Un radio pirate, c'est un moment où on se permet de faire jouer de la musique illicite qu'on se permettrait pas de faire jouer en temps normal, comme jadis en eau internationale, lors des radios pirates originaux. Bref, longue histoire courte, ça va brasser pas mal ce soir. Comme vous en êtes déjà rendu compte, probablement, et ça fait juste commencer, tenez-vous-le pour dit. Mais on va tout de suite s'attaquer à ce qu'on a entendu dans notre bloc d'introduction, parce que de la musique qui en a pas à peu près au pied carré ce soir, parce que sachez qu'une chanson punk, règle générale, c'est pas très long. C'est une attaque furieuse, mais très rapide, et ça fait qu'on va passer à travers une myriade de formations ce soir, chacune spécialisée dans leur sous-genre respectif. Vous allez voir, ça va être assez, je vais essayer que ça soit pas trop exhaustif, mais il y a tellement de sous-genres, de sous-sous-genres. Et vous avez peut-être reconnu ce qu'on vient d'entendre, les rois du punk français qui ont conclu notre bloc, les Quepons, comme on dit si bien en verlan, de Berrurier Noir, le groupe ultime de punk français qui vont amener leur son complètement unique, accompagné seulement par une boîte à rythme qu'ils vont appeler Dédé, soit dit en passant, et la guitare de Laurent sur des textes dénonciateurs, c'est le moins qu'on puisse dire, de François Guillemont. Ils vont lentement mais sûrement rajouter des membres au groupe, comme par exemple Masto au saxophone, qui avait tout d'abord fait partie de Lucrate Milk, un groupe assez particulier, merci. Et ils vont devenir finalement presque une troupe de cirque qui va donner, ça va donner des événements complètement uniques qu'on va appeler les fiestas berrurières. Et probablement parce qu'ils sont francophones et ou tout simplement aussi complètement uniques, ils vont beaucoup résonner ici au Québec, à preuve leur fameux show de réunion le 11 juillet 2004 devant plus de 50 000 personnes. C'est quand même du punk, on parle de punk, c'est pas les Rolling Stones, dans le cadre du Festival d'été de Québec où tout le monde va finir dans boîte, qui va d'un show qui va devenir légendaire pour énormément de fans du groupe, dont un de mes amis qui est à l'écoute en ce moment, qui m'a beaucoup fait connaître le vieux punk, et je lui souhaite bonne fête. Sa fête, c'était le 8 mars. Mais c'est lui qui m'a fait connaître le vieux punk, donc je le salue. Francis Comtois, à l'écoute, je sais qu'il était à ce spectacle-là. Il y a beaucoup de gens, tous ceux qui ont été m'en ont beaucoup parlé. J'y étais pas, malheureusement. Et les fans du groupe, ben le groupe, malheureusement, s'est reséparé en 2006. Mais semblerait-on qu'il y aurait des pourparlers d'une autre réunion depuis 2020. Bon, on connaît le contexte actuel, mais bon, on verra. Bref, Beru, on les a entendus avec probablement un de leurs plus gros classiques, la très évocatrice « Vive libre ou mourir » du fameux concerto pour détraquer de 1985, qui suivait un autre groupe complètement unique au sein de la communauté punk, même en 78, il était un peu à part des autres, très revendicateur de l'anarchisme imaginé par des gens comme Pierre-Joseph Proudhon, mais dans le bon sens du terme, parce que c'était des intellectuels, presque à outrance d'ailleurs, parce qu'il faut pas oublier qu'on confond souvent le chaos, voire la violence, avec l'anarchisme, qui est quand même, malgré tout, un système politique, une philosophie qui, pour certains, peut sembler plutôt utopiste parce que ça compterait sur la bonne volonté des gens. Ça marche sur papier, comme on dit. Mais tout ça pour dire que les gens se font souvent une idée erronée de ce qu'est l'anarchie en réalité. C'est comme un mot qui est devenu synonyme de chaos au fil du temps. Mais c'est vraiment pas ça initialement. Et nous, ben, on a entendu le groupe Crass qui se revendiquait beaucoup de ces idées-là. Et ce que ça voulait dire en réalité, surtout, c'est que c'était un groupe, un genre de communauté qui prônait l'autosuffisance, l'énergie renouvelable, qui était farouchement féministe, pas très loin des idéaux de beaucoup des hippies de la génération d'avant, en fait. Juste un petit peu plus... un petit peu beaucoup plus baveux. Et pour vous donner une idée, ben, y a des gens qui racontent que Crass arrivait parfois à un show avec leur propre éclairage pour favoriser l'économie d'énergie. Pas besoin de vous dire qu'à la fin des années 70, ils devaient se faire regarder comme des extraterrestres. Et pourtant, c'est un discours monnaie courante en 2021. Donc, c'est bien pour dire, des fois, ça vaudrait peut-être la peine d'écouter certains punks ou hippies au lieu de les juger et de se rendre compte des 30, 40 ans plus tard, voire 50 plus tard, trop tard, qu'ils avaient raison. Bref, c'était mon petit éditorial de la soirée. Punk oblige. C'était de la faute à Crass qu'on a entendu avec leur classique Do They Owe Us a Living de 1977, mais qui va se ramasser sur le premier album en 78, qui suivait Stiff Little Fingers, un groupe irlandais de Belfast qu'on a entendu avec Alternative Ulster de 1979, un groupe qui tenait son nom d'une chanson des Vibrators, excellent groupe qui gagne vraiment à être connu, qu'on a entendu juste avant avec, je vous le donne en mille, Stiff Little Fingers de 1977. En veux-tu des liens? En v'là les Vibrators qui, eux, étaient précédés d'un gros classique du Oi, un sous-genre de punk très classe ouvrière avec des chants rallieurs. On a entendu Sham 69 avec l'excellente Borstal Breakout en 1978. Et sinon, ben les deux monstres sacrés Angleterre, 1977, explosion du punk. On a bien sûr entendu The Clash avec Jenny Jones, toute première pièce de leur tout premier album homonyme, qui suivait à son tour évidemment les Sex Pistols à côté de qui on pouvait pas passer ce soir. Mais on n'y a pas été d'un gros God Save the Queen ou Anarchy in the UK. On a plutôt opté pour Buddies, qui tout de même fait partie du légendaire Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, album qui va littéralement faire l'effet d'une bombe et qui va grandement contribuer à la naissance de toute la contre-culture qu'on explore ce soir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le punk, c'est beaucoup plus que le genre de musique en soi. Évidemment, ça va avoir une grande influence sur les idées. D'ailleurs, je pense qu'on peut être punk de plusieurs manières qui dépassent la musique comme telle, et que même en musique, il y avait des punks avant l'invention du genre. On peut penser à des grandes gueules comme des Dylan ou des Lennon, ou évidemment en musique, des Kinks, des MC5, des Iggy Pop avec ses Stooges. Mais pour en revenir à l'influence des Pistols comme telle, eh bien, ils ont contribué lors d'un seul et unique de leur premier show le 4 juin 1976 à Manchester, pour être plus précis, à faire se former des légions de bands de punk, évidemment, mais dans la salle, il y avait aussi des membres de ce qui allait devenir, entre autres, Joy Division, The Fall et The Smiths. Et là, j'en passe. Donc déjà, c'est non seulement le punk qui est né ce soir-là, mais aussi le post-punk et ce qu'on pourrait appeler l'alternatif au sens large. Pas besoin de vous dire d'à quel point ça allait influencer les choses à venir. Sans le post-punk, pas de new wave, pas le son qu'on attribue aux années 80, etc., etc., etc. On pourrait continuer longtemps comme ça. Donc, les Sex Pistols, à ne jamais sous-estimer, même si, juste avant ça, à New York, il y avait des drôles de bébites aux cheveux longs qui ont jamais voulu se faire attribuer le terme punk. Et pourtant, les Ramones, en 1976, sonnaient pas mal punk à mon goût, et on les a entendus avec Havana Affair de leur légendaire premier album. Juste avant, on a entendu aussi The Addicts en 1982 avec How Sad, juste pour le petit côté cirque de la chose, qui partait l'émission sur les chapeaux de roue, mais c'est pas fini. Et je vous le dis, vous le savez, ça va brasser pas à peu près ce soir en cette 12e édition du Radio Pirate Méloman. Méloman Punk ce soir et tout ça qui se passe au 99 ans et 88.9 CFNJ. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. Spend nights. accro pour avoir leur héros. Et se battent à coups de lame. Toutes les rues d'Amsterdam sont couvertes de sang. C'est une ville pour étonne. Bombardons Amsterdam. Ceux qui chantent Amsterdam sont fichés au nez. Et la bruit du Japon. Elles sont pour l'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam. Y'a une ambiance de mort. J'ai pris à tous les temps. scène et Paris serait beau. Travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, pour travailler plus, pour faire plus d'argent, pour faire plus de poudre, je fais de la poudre. Cette nuit, minimum de 4 à 5 degrés. Jeudi, quelques averses sont probables. Maximum de 8 degrés. Et retour du soleil vendredi pour le centre et sud de la Nantière. Un peu de neige intermittente ou pluie pour le nord. Maximum de 1 à 5 degrés. CFNJ 89.1. Et c'est toujours à Méloman que ça se passe ce soir. 12e Radio Pirate, en fait. Je dis ça, puis en réalité, j'ai perdu le compte complètement. Ça se pourrait très bien que ce soit le 14e ou le 15e. On s'en fout. C'est juste un prétexte pour rocker la place. Et ce soir, on fait ça avec une émission punk, bar en bar. Et on a beaucoup voyagé depuis notre premier bloc, dans lequel on s'était plus attardé aux classiques de la première vague, majoritairement, mis à part peut-être Beru, qui sont complètement différents. Mais bref, l'idée, c'est qu'après cette fameuse première vague, les choses se sont corsées un peu, comme vous vous en êtes sans doute rendu compte. Il y a plusieurs groupes de la seconde génération, souvent des Américains cette fois-ci, qui vont jouer plus vite et plus fort. Et c'est là qu'on va commencer à parler de hardcore punk. Et évidemment, comme pour n'importe quel genre de musique, ça va faire des petits, ça va engendrer tout autant de sous-genres. On va assister, entre autres, à l'inévitable hybride entre le hardcore punk et le thrash metal, avec des groupes comme DRI, par exemple. Déjà que le hardcore en lui-même était loin d'être étranger à l'émergence du thrash en tant que tel, comme on en avait parlé lors de notre spécial métal il n'y a pas si longtemps. Mais les groupes de hardcore purs, et là je fais des guillemets en studio si on peut dire, ça a plus été en début de bloc, parce qu'on y a quand même été de trucs un peu plus récents pour la deuxième moitié du bloc, qu'on vient d'entendre et qui s'est terminé avec nul autre que les Vulgaires Machins, groupe de Granby, qui est passablement connu aujourd'hui, mais qu'on a entendu avec un de leurs tout premiers gros classiques. Je me souviens des souvenirs de jeunesse dans un certain bar de Joliette où la place explosait et les tables se renversaient au son du refrain de Cocaïnomane de Vulgaires Machins, qui est pas mal, en fait, juste un refrain d'ailleurs, et qui est sorti originalement en 1998 sur leur album 2440, paru sur le fameux label montréalais Indica Records, fondé par des membres de Grimmskunk, un autre groupe hyper important, la scène punk québécoise. Mais juste avant, c'est en France qu'on était avec un excellent groupe né des cendres, des betteraves, une formation qui se voulait beaucoup plus humoristique, un peu dans la tradition des Ludwig von 88 de ce monde. Mais à la dissolution du groupe en 2003, va naître Guérilla Poubelle, plus sérieux, mais ô combien efficace. On les a entendus avec une de leurs plus connues, l'excellente « Demain, il pleut » de 2005, qui suivait cette fois-là quelque chose issu un peu plus de la fameuse branche du punk californien qu'on va aussi souvent appeler le skate punk, même si c'est pas nécessairement toujours des termes interchangeables, parce qu'on peut penser à des groupes hybrides justement entre le trash et le hardcore, comme Suicidal Tendencies, qui était originalement très prisé par les fameux skaters. Mais là, on parle vraiment de cette fameuse vague omniprésente dans les années 90. Un punk beaucoup plus propre et très mélodique qui va voir le jour en Californie avec tout d'abord des formations comme Bad Religion pour s'en aller vers les NoFX, Lagwagon, Pennywise, No Use for a Name et compagnie. Et tranquillement, ben, ça va connaître un succès encore plus commercial avec The Offspring, Green Day et Blink 182 pour devenir finalement plus tranquillement du pop-punk que du skate-punk. Pas besoin de vous dire que ça va créer un clivage chez les puristes, surtout ceux qui étaient anticapitalistes, gros mohawk puis des studs. Mais tout ça est issu du punk, qu'on le veuille ou non. De toute façon, si on est objectif, tous les genres ont leur bon coup comme leur mauvais coup. Et je pense qu'on a entendu quelque chose qui tient encore très bien, qui tient encore très bien la route avec Face to Face et leur classique You've Got a Problem, assez tôt de toute manière dans cette fameuse scène dont on parle en 1992. Chose qui suivait complètement ailleurs, un gros classique du punk français de 1986. On a entendu Parabellum avec Hilo Amsterdam, qui se veut en fait une reprise de l'Amsterdam de nul autre que Jacques Brel, avec des paroles à la sauce punk. Juste après, le classique Big Women de GBH en 1982, qui eux font plus partie du sous-genre qu'on va appeler le street punk. Et le street punk, ben c'est exactement ce que monsieur, madame, tout le monde s'imagine en premier quand il pense au punk. Les gros mohawks, justement, les combat boots, les manteaux de cuir avec des studs. En fait, GBH, qui sont anglais, font partie de ce qu'on va appeler parfois le UK 82, dont vont faire partie des formations qui vont se faire connaître à peu près dans les mêmes années comme The Exploited et Discharge, par exemple. Et avant tout ça, ben là, on était pas mal dans le hardcore vague originale dont on parlait tantôt. On a entendu des incontournables comme Dead Kennedys avec son frontman inimitable, Jello Biafra, personnage haut en couleur, très provocateur, qui va faire toutes sortes de coups d'éclat, comme se présenter comme candidat à la mairie de San Francisco, presque gagné. Il va aussi combattre la censure, surtout du fameux Parents Music Resource Center. Ceux à qui l'on doit les fameuses étiquettes Parental Advisory à poser sur vos albums préférés. Bref, tout un personnage et tout un groupe Dead Kennedys qu'on a entendu avec Chemical Warfare en 1980, qui était précédé ici par les Misfits, qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps à l'émission, époque originale, Glenn Danzig, s'il vous plaît, qui font partie de la vague hardcore, mais qu'on pourrait aussi peut-être qualifier de horror punk. parce qu'il y avait une imagerie complètement unique basée sur des vieux films d'horreur. À preuve, leur fameux squelette que vous avez vu partout, peut-être même sans le savoir, beaucoup popularisé par Cliff Burton de Metallica, en fait, parce que c'était quand même un groupe assez underground, les Misfits. Si ça n'avait été de Cliff Burton, bassiste original de Metallica, qui portait fièrement des T-shirts des Misfits, peut-être qu'on les connaîtrait pas autant aujourd'hui. Et ce fameux Skull Fiend-là, le squelette en question, ça nous venait d'une série de films de 1946 qui s'appelait The Crimson Ghost. Donc, vraiment, les Misfits qui se basent sur des vieux films d'horreur, une espèce vraiment très unique. On les a entendus avec Green Hell en 83, qui va être justement reprise par Metallica quelques années plus tard. Un autre groupe complètement unique, des vrais de vrais précurseurs du hardcore du côté de Washington DC cette fois-ci. On a entendu Bad Brains, qui tiennent leur nom d'une chanson des Ramones qui s'appelait Bad Brain. Ceux qui les connaissent savent aussi peut-être qu'ils sont autant des adeptes Rastafari et donc de reggae. D'ailleurs, on va reparler un peu plus tard du lien qui a toujours existé entre le reggae et le punk. Mais ce que peut-être même certains fans de Bad Brains ignorent, c'est qu'ils sont nés non pas du punk ni du reggae, mais bien du jazz fusion à la sauce Chick Corea, Return to Forever, ou John McLaughlin, époque Mahesh Vishnu Orchestra, dans une formation qui s'appelait à l'époque Mind Power. Et là, tout d'un coup, ils vont devenir obsédés par le punk à cause d'un de leurs amis qui va leur faire écouter certains groupes comme les Dead Boys, les Ramones, évidemment. Et ils vont nous offrir, puis ils vont aussi, de l'autre côté, à la suite d'un concert de Bob Marley, devenir obsédés par le reggae. Donc, ça va nous donner vraiment un drôle de mix. Ils vont nous offrir une forme, ma foi, très, très, très énergique de la chose quand on parle de punk. On a pu le constater avec la version originale 7 pouces. Donc, on parle du 45 tours original de 1980, de la chanson « Pay to Come ». Qui suivait toujours de Washington DC, Minor Threat avec Salad Days en 1985, eux qui se réclamaient d'une autre sous-culture qu'on appelle Straight Edge, ce qui veut dire grosso modo pas d'alcool, pas de drogue et pas de jambes légères, de promiscuité inutile et gratuite. On est loin de certains autres punks sur la mescaline, mes amis. Et aussi à noter que des cendres de Minor Threat va naître Fugazi, une autre formation très importante, mais d'un genre qu'on va appeler le post-hardcore. Mais là, on est rendu loin pas mal. Je pense que c'est le temps d'écouter de la musique. Tout ça en plein Méloman Punk, ce soir, 99 ans et 88.9, c'est FNJ. Dirty water on the rivers. No one can

un peu caché. Moi je suis un punk avec un chien. Même mon chien il est mort d'un cancer de la truffa. C'est bête, je l'aimais bien, il s'appelait Bichous. Il savait tondre la patte et compter la monnaie et faire la différence entre un skinny et un vieux. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un animal, de préférence un chien pour bug à chien. Ah il vous reste plus de chien, il vous reste que des chats pour vieil achat. Bon bah je vais vous prendre ça, le siamois s'est vendu par deux. Punk à chat. Moi je suis un punk avec un chat. Mais mon chat il est mort d'une cirrhose des moustaches. C'est bête, je l'aimais bien, il s'appelait Fuck You. Il savait se mettre en boule pour attendrir les gens et faire la différence entre un skin et un rat. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un animal, de préférence un chat pour punk à chat. Ah il vous reste plus de chat, il vous reste que des poules pour papa poule. Bon bah je vais vous prendre ça avec la laisse à clous. Punk à poule. Moi je suis un punk avec une poule. Mais ma poule elle est morte d'un infarctus du bec. C'est bête, je l'aimais bien, elle s'appelait nos futurs. Elle savait pondre des œufs dans les toilettes du squat et faire la différence entre un skin et un mur. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais n'importe quoi, de préférence vivant, qui tienne jusqu'au printemps. Ah, il vous reste plus rien à part un vieux canard blessé. Vous dites qu'il nettoie dans les coins, bon bah je vais vous prendre ça avec un bonnet pour ses oreilles. Et toujours en plein Méloman Punk ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. C'est les Fatal Picards qu'on vient d'entendre en 2007 avec Punk à chien, le fameux punk à chien qu'on voit tous dans nos têtes sur un coin de rue. C'est peut-être un street punk dont on a parlé tantôt, tandis que s'il y a des dreadlocks, c'est peut-être aussi un crust punk, un autre sous-genre qu'on n'aura pas vraiment le temps d'explorer ce soir, malheureusement. Je vous le dis, il y en a du sous-genre dans le punk au pied carré. Le crust punk, soit dit en passant, par contre, c'est un genre qui a connu quand même un bon regain de popularité dans les dernières années. Ça a toujours été un peu plus noir avec des groupes comme Amoebix dans les années 80 qui vont influencer plusieurs groupes métal. Donc, on voit que l'influence vient de part et d'autre. Il y a des groupes comme Celtic Frost qui vont être, même Sepultura qui vont être influencés par Amoebix. Et dans les dernières années, on assiste à un genre d'hybride entre le crust punk et le black metal assez populaire dans l'underground. Encore une fois, c'est un échange d'un côté comme de l'autre. Il y a des groupes crust punk qui vont emprunter des trucs au black metal et il y a des vieux routiers du black metal comme Dark Throne qui vont sortir des albums à saveur crust punk. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire ce soir sur le crust punk. Et nous, juste avant, on était en France encore une fois avec un groupe hyper populaire, hyper influent du nom de Tagada Jones avec quelque chose d'assez récent, mais très percutant qui s'appelle tout simplement Mort au con, paru en 2017, qu'on a entendu juste après avoir fait un tour vers la Suède avec quelque chose qu'on pourrait qualifier d'une espèce de post-hardcore, un terme qu'on a évoqué tantôt avec Fugazi. Ce qui est certain, c'est que cet album-là avait été encensé par la critique lors de sa sortie en 1998 et il y avait tout un titre, un band qui n'avait pas froid aux yeux et qui ont appelé leur album « The Shape of Punk to Come ». On parle ici de la formation « Refused » qu'on a entendu avec, « Refused are effing dead », parce que là, est-ce que j'ose être punk puis dire refuse our fucking dead? Oh! Bref, disons ça comme ça. Peut-être une allusion à la vieille guerre. Punk is dead du côté de Crass et punk's not dead du côté des Exploited. Bref, ça ne nous a pas empêché de faire un petit détour juste avant du côté californien dont on parlait tantôt. Quand même des gros classiques qui ont marqué leur époque. NoFX avec Linoleum, je pense qu'on va dire Prelard, en 1994, précédé de ce qui, pour beaucoup de gens, a fait connaître Pennywise avec leur fameuse reprise de Stand By Me en 1989, quand même, bien avant que tous les groupes du genre y aillent de leur reprise d'une toune du genre. Il y a eu beaucoup de reprises. C'était drôle au début. À un moment donné, on s'est dit, coudonc, peuvent-ils faire des originaux? Mais bref. Et juste avant, toujours dans le même coin et toujours en 89, mais avec une dose de ska. La seule la soirée, d'ailleurs, le ska qui a, pour une certaine génération, a été indissociable du punk. Et là, je parle pas, malheureusement, de ceux qui écoutaient Donald Lautrec. Une génération un petit peu plus jeune. Et pourtant, le ska, c'est une musique, même autant, autant de Donald Lautrec, c'est une musique totalement jamaïcaine qui va connaître son apogée dans les années 60 et qui va donner naissance au rocksteady qui, à son tour, va engendrer le fameux roots reggae que tout le monde connaît, Bob Marley et compagnie. Soit dit en passant, Bonnie Wailers, membre fondateur des Wailers de Bob Marley, est décédé il n'y a vraiment pas très longtemps, si ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine d'avant. Bref, je dis ça parce qu'on parle de Bob Marley and the Wailers. Et on en a déjà parlé à l'émission souvent, mais qu'est-ce que le punk vient faire là-dedans? C'est bien beau le reggae. Eh bien, c'est entre autres choses grâce aux grandes communautés jamaïcaines présentes à Londres, là où est pas mal né le punk, le premier qu'on a écouté en début d'émission. Et, longue histoire courte, les punks se tenaient beaucoup dans un club qui s'appelait le Roxy. Il n'y avait pas encore de disque officiel de punk sur le marché. On va se trader des cassettes, comme c'est encore le cas pour certains punks. Et le DJ de la place, Don Letts, était un Jamaïcain qui faisait jouer beaucoup de reggae, de ska, du dub, etc. Donc, c'était inévitable. Plusieurs punks se sont mis à apprécier cette musique-là. Il n'en fallait pas plus pour que des groupes comme les Clash aillent faire un petit tour en Jamaïque pour bien s'imprégner de la dite musique, tout comme d'autres groupes anglais de tout acabit, comme The Police, qui vont beaucoup incorporer aussi du reggae dans leur son. Donc ça, c'était pour la petite histoire de l'influence de la musique jamaïcaine sur le punk. Et c'est pour ça que va arriver ce qu'on va appeler le two-tone ska en Angleterre, des groupes comme The Specials, etc., et qui va plus tard se déplacer en Amérique chez des groupes, entre autres, californiens comme Operation Ivy, qu'on a entendu ici, ancêtre du fameux groupe Rancid, avec Sound System en 1989, un titre qui est justement une référence très jamaïcaine, les Sound System, là, je partirai pas là-dessus. Ça a beaucoup rapport au dub. Chaque grand artiste du dub avait son sound system. Bref. Et, chose qu'on a entendue après un triplé aux sonorités complètement différentes, c'est un peu la même histoire. Par contre, grande communauté irlandaise dans la ville de Boston, on va voir émerger des groupes qui vont faire une fusion entre la musique traditionnelle irlandaise et, bien sûr, le punk. Chose qui est un mariage, ma foi, assez réussi. Donc, on a entendu deux groupes de Boston suivis des originaux, par contre, directement, eux, d'Irlande, les originateurs du punk irlandais, les Pogues, en 85, avec Dirty Old Town, qui était précédé de Flogging Molly avec Drunken Lullabies de 2002, qui suivait elle-même, qui d'autre que les Dropkick Murphys avec leur classique I'm Shipping Up to Boston de 2005, juste après quelque chose de très anglais et de très oi. Les Cocksparrer avec England Belongs to Me en 1982. Et là, pour notre dernier bloc, on va y aller du côté un petit peu plus bizarre des choses, mais ça reste Mellowman Punk au 99.1 et 88.9 CFNJ. Hang on.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Réserve-t-on. On le brise en morceaux. Et moi, je dis écrasons-le. Strangulation. Tranchons-lui la gorge. Je ne voudrais pas les décevoir. Nous lui ferons tout cela. Dans le tas, à coup de pastillon, le reste posé de là, sous les chenilles d'achat. Et qu'est-ce que c'est au cœur, un peu partout du cœur, la serveur en purée, les grands mains appelés. Tuez, tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez, tuez les tous. Sur les cadavres humains, pour faire virer les mers, pour faire traiter les eaux, rester à cuisiner, laisser la place arrachée, pas toujours dans la gerbe, des boyaux de viscères, en criant, en hurlant, la gueule sur le sang, les mâchoires enfoncées, et les yeux refusés. Tuez, tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tu penses que t'es nazi, tu vas prendre des villes derrière des chefs de file, tu sais foulant en arrière, achetez sur les bannières, en bosse sous le drapeau, voyons comme les pourceaux. Ils ont voulu ma mort, ah ah ah, ils ont voulu ma mort, ah ah ah. Tuez, tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Tuez, tuez, tuez les tous. Et toujours à Méloman, de retour de ce qui va s'avérer être notre dernier bloc de la soirée sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Chose qui s'est terminée avec les bien-aimés Ludwig von 88, en quelque sorte le pendant joyeux à Bérurier Noir. Ludwig, que j'ai eu la chance de voir en spectacle la dernière fois, qui sont venus à Montréal. On les a entendus en 1987 avec Tuez les tous, qui suivait The Exploited avec la criarde et dangereuse Sid Vicious Was Innocent de 1982. Pas si sûr que Sid Vicious était innocent, mais bref. Ça suivait un groupe hyper important du hardcore qu'on oublie souvent, surtout avec leur album Milo Goes to College, toujours en 82. On a entendu les Descendants, un groupe qui a eu une influence plus grande que nature, me dit mon ami Francis Comtois, sur toutes les années à 90, qui suivait un groupe vraiment bizarre du nom de Minutemen Punk, mais pas toujours, un peu bizarre. J'ai aussi vu le bassiste Mike Watts en show, un des très bons shows que j'ai vu. Et il y en a peut-être qui ont reconnu le thème de la célèbre émission Jackass. Eh bien, c'est les Minutemen en 84 avec Corona qui faisait ça, qui suivait les Betteraves dont on parlait tantôt avec Pas travailler de 2002, le tout amorcé par deux très grands classiques, même si très bizarres, les premiers balbutiements de ce qu'on va peut-être appeler plus tard le Psychobilly avec Human Fly des Cramps en 78, qui suivait Strange, tout simplement, du groupe Wire en 1977, chanson qui va même être reprise une dizaine d'années plus tard par R.E.M. Et moi, ben, c'est ce qui m'amène à vous souhaiter une bonne semaine jusqu'à notre prochain rendez-vous mercredi dès 20h. Je vous le promets, il n'y aura pas de punk. En vous souhaitant une bonne nuit au 99.1 et 88.9 CFNJ. fight. We're gonna join fight again as you care. In a young rich man, should I play now? Say I can't bet, I thought I would say thick. Turn to law, say I'll say. Tell me what's the difference between her and you. Say that you and dinner, where we're out with the news. Sit in front of the circle with that little bomb room. Turn up preaching, never a fool. Soul, and sing in praise the mercy that prolongs thy days.